Un à un, les rois sont nommés, les batailles sont rappelées, car tu veux que ton peuple se souvienne de chaque combat remporté. Ce n'est pas une liste froide, c'est une mémoire de fidélité. Chaque victoire porte ton nom et témoigne de ta royauté. Ce que tu as fait hier fortifie notre demain. Nous n'oublions pas tes merveilles, nous gravons tes victoires dans nos cœurs, car la mémoire de tes hauts faits nourrit encore notre courage aujourd'hui, Seigneur. Nous n'oublions pas tes merveilles. Tu sais que l'homme oublie vite, alors tu l'invites à compter non pas ses forces et ses exploits, mais tout ce que tu as remporté. Nous n'oublions pas tes merveilles, nous gravons tes victoires dans nos cœurs, car la mémoire de tes hauts faits nourrit encore notre courage aujourd'hui, Seigneur. Tes merveilles.